Jérémie chapitre 10. Maison d'Israël, écoutez la parole que l'Éternel a prononcée sur vous. Ainsi a dit l'Éternel, n'apprenez point les façons de faire des nations, et ne soyez point épouvantés des signes des cieux, sous ombre que les nations en sont épouvantées. Car les statuts des peuples ne sont que vanité, parce qu'on coupe du bois de la forêt pour le mettre en œuvre avec la hache. Puis on l'embellit avec de l'argent et de l'or, et on le fait tenir avec des clous et à coups de marteau, afin qu'il ne remue point. Ils sont façonnés tout droit comme un palmier, et ils ne parlent point, on les porte par nécessité, à cause qu'ils ne peuvent pas marcher, ne les craignez point, car ils ne font point de mal, et aussi il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand en force. Qui ne te craindrait, roi des nations? Car cela t'est dû, parce qu'entre tous les plus sages des nations, et dans tout leur royaume, il n'y en a point de semblable à toi. Et ils sont tous ensemble abrutis, et devenus fous, le bois ne leur apprend que des vanités. L'argent qui est étendu en plaques, est à portée de Tarsi, et l'or est à portée du Phase, pour être mis en œuvre par l'ouvrier, et par les mains du fondeur, et la pourpre et l'écarlate leurs vêtements, toutes ces choses sont l'ouvrage de gens adroits. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité, c'est le Dieu vivant, et le roi éternel, la terre sera ébranlée par sa colère, et les nations ne pourront soutenir son indignation. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre, périront de la terre, et de dessous les cieux. Mais l'Éternel est celui qui a fait la terre par sa vertu, qui a formé le monde habitable par sa sagesse, et qui a étendu les cieux par son intelligence. Sitôt qu'il a fait éclater sa voix, il y a un grand bruit d'eau dans les cieux, après qu'il a fait monter du bout de la terre les vapeurs, il fait briller l'éclair avant la pluie, et il tire le vent hors de ses trésors. Tout homme se montre abruti dans sa science, tout fondeur est rendu honteux par les images taillées, car ce qu'ils font est une fausseté, et il n'y a point de respiration en elles. Elles ne sont que vanité, et un ouvrage propre à abuser, elles périront tant de leur visitation. La portion de Jacob n'est point comme ces choses-là, car c'est celui qui a tout formé, et Israël est le lot de son héritage, son nom est l'Éternel des armées. Toi qui habites en un lieu fort, retire du pays ta marchandise. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais à cette fois jeter au loin, comme avec une fronde, les habitants du pays, et je les mettrai à l'étroit, tellement qu'ils le trouveront. Malheur à moi, diront-ils, à cause de ma plaie est douloureuse. Mais moi, j'ai dit, quoi qu'il en soit, c'est une maladie qu'il faut que je souffre. Ma tente est gâtée, tous mes cordages sont rompus, mes enfants sont sortis d'auprès de moi, et ne sont plus, il n'y a plus personne qui dresse ma tente, et qui élève mes pavillons. Car les pasteurs sont abrutis, et n'ont point recherché l'Éternel. C'est pourquoi ils ne se sont point conduits sagement, et tous leurs pâturages ont été dissipés. Voici, un bruit de certaines nouvelles est venu, avec une grande émotion de deux vers le pays d'Aquilon, pour mettre les villes de Juda en désolation, et en retraite de dragons. Éternel, je connais que la voix de l'homme ne dépend pas de lui, et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Ô Éternel, châtie-moi, mais que ce soit par mesure, et non en ta colère, de peur que tu ne me réduises à néant. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent point, et sur les familles qui n'invoquent point ton nom, car ils ont dévoré Jacob, ils l'ont, dis-je, dévoré et consumé, et ils ont mis en désolation son agréable demeure.